إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on va commencer donc la deuxième partie de la lecture de cette parole, de cette conférence du Cheikh Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad al-Sheikh, le ministre des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite. Dans cette conférence qu'il a faite qui s'intitule « Les droits de la fraternité » Donc, yani, on a lu donc la première partie de hier de cette conférence. Et on a parlé de plusieurs points déjà. On a fait une petite introduction au sujet de la fraternité. On a parlé de certains droits. Le premier, on a parlé de Al-Ikhlas. Le deuxième, on a parlé du fait de donner de l'aide à notre frère. Et on a parlé avant ça aussi, avant le premier droit, on a parlé des fruits de la fraternité ou de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est toujours dans le deuxième point qui a rapport avec le fait de donner de l'aide, hein, d'aider nos frères lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et on va continuer donc là-dessus, avec ce point-là, inshallah. Le Cheikh il dit « Ma haqiqatu l'ukhuwa idha lam yakun thamma bazlun wa ata fi hadhihi al-masail wa fi ghayriha. Wa qad ja'a fi al-hadith aydan من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فإذا كنت مواطنا أو موطنا نفسك في هذه المسائل أن تبذل لصفيك فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من بذلها قبل السؤال فإنه قد أدى شيئا عظيما ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استحب له ولكن مكارم الأخلاق والإقبال على الخير تقتضي أن تبتدئ بالشيء قبل أن تسأله ولهذا كان بعض السلف يتفقد حاجة إخوانه Donc, on va lire cette première partie-là, ce premier passage. Cheikh, il dit, quelle est la réalité de la fraternité en islam? Quelle est la réalité de la fraternité en islam si il n'y a pas de dépenses dedans? Quelle est la réalité de la fraternité en islam si on ne dépense pas de nos biens pour nos frères? Si on ne dépense pas de notre temps pour nos frères, si on ne dépense pas de notre argent pour nos frères et de notre personne pour nos frères, quelle est cette fraternité si il n'y a pas ça dedans? S'il n'y a pas d'effort dedans, il n'y a pas de dépense dedans, il n'y a pas d'entraide dedans, alors il n'y a pas de réalité dans cette fraternité-là. Hein? Il n'y a pas de réalité dans cette fraternité-là s'il n'y a pas ça dedans. Et ça, c'est quelque chose qui doit être compris. C'est pas juste, hein? C'est pas juste une idée, une parole. C'est quelque chose qui doit être mis en application. Et il a été rapporté dans un hadith, comme on a mentionné hier, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar. Il dit, celui qui voit aux besoins de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala voit son besoin et va s'occuper de son besoin. Donc lorsque tu aides tes frères, lorsque tu viens à leur aide, lorsque tu dépenses de ton temps, de ton argent, de ta personne pour aider tes frères, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire de même pour toi et qu'il va t'aider, hein, et qu'il va voir à tes besoins. Donc en aidant tes frères, en réalité tu t'aides toi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit donc, celui qui s'est placé lui-même dans ces questions-là et qui a dépensé de sa personne, de son argent, de ses biens, de son temps pour son frère, hein, pour la personne qui est son ami, eh bien, et Ani, ça, ça fait partie des droits de la fraternité qu'il a dépensé. Et comme on a dit, parmi les droits de la fraternité, c'est qu'il faut les dépenser avant qu'on soit demandé. C'est-à-dire que celui qui a dépensé de sa personne, de son droit, de son argent, et qu'il a donné à son frère avant que son frère lui demande quoi que ce soit, là, il a fait quelque chose de très grand. Hein? Parce que celui qui a dépensé après avoir été demandé la chose, alors dans ce cas-là, il a seulement fait qu'est-ce qui est obligatoire pour lui. Il a seulement fait qu'est-ce qui est l'obligation. Mais s'il donne avant, alors là, c'est quelque chose qui fait partie d'un niveau plus élevé encore. Donc s'il donne, après qu'on lui ait demandé, il a fait ce qui est obligatoire pour lui, ou qu'est-ce qui est recommandé pour lui. Mais s'il donne avant qu'on lui demande, ça c'est quelque chose de plus élevé encore, de meilleur. Et le cheikh, il dit, le bon comportement, c'est que tu te déplaces et que tu avances vers le bien. Et que tu donnes la chose avant qu'on te le demande. C'est ça qui est impliqué par le bon comportement en islam. Et c'est pour cette raison-là que les salafs, nos salafs salih, ils cherchaient à savoir les besoins de leurs frères. Et à donner à leurs frères ce que leurs frères avaient de besoin sans qu'on le sache. C'est-à-dire qu'ils essayaient de faire du bien à leurs frères avant même que yani, leurs frères viennent leur demander quoi que ce soit. Et non seulement ça, c'est que ils donnaient à leurs frères des choses où ils aidaient leurs frères sans se faire savoir eux-mêmes. C'est-à-dire sans qu'on puisse savoir que c'est eux qui ont aidé. Hein? C'est-à-dire qu'ils aidaient en secret. Hein? Ils aidaient en secret aussi. Le cheikh il dit, « Wa kam ruwiya lana min ahwal as-salaf annahum dassu amwalan fi bayt ikhwanihim min dun an yu'lama man alladhi arsal. Wa min hadha alladhi a'ta. » وقد قال الربيع بن خثيم. On va lire cette histoire juste après. Le cheikh il dit, et combien d'entre les histoires qui nous ont été rapportées des exemples de nos salafs qui faisaient entrer de l'argent dans la maison de leurs frères, ou qui jetaient de l'argent dans la maison de leurs frères, ou bien parfois ils étaient invités chez leurs frères et ils cachaient de l'argent quelque part. Hein, où il laissait de l'argent quelque part pour que la personne ne réalise pas que c'est lui qui a fait ça. Ou bien pour que la personne ne réalise pas qu'elle lui a laissé. Elle lui laissait ça quelque part pour que la personne le trouve plus tard. Eh bien, ça c'est, il y a plusieurs exemples de ça dans les exemples de nos salafs salih. Donc, les salafs, ils aimaient aider leurs frères sans qu'ils soient connus. C'est-à-dire, ils aimaient aider leurs frères en cachette. Hein? Et le cheikh, il dit, « Wa kam ruwiya lana min ahwal as-salaf annahum dassu amwalan fi bayt ikhwanihim min dun an yu'lam man alladhi arsal wa man alladhi a'ta. » Donc, ils ne voulaient pas qu'on sache c'est qui a envoyé l'argent. Ils ne voulaient pas qu'on sache c'est qui a donné l'argent. Peut-être qu'il donnait à quelqu'un. Donne à un enfant, il dit, va à telle place, donne à cette personne-là cet argent, ne dis pas c'est qui te l'a donné. hein, ou des choses comme ça. Ça fait partie des exemples de nos salaf salih. Ensuite, il parle d'un exemple qui est arrivé parmi les exemples de nos salaf salih. Il dit وَقَدْ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ خُثَيْمٍ مَرَّةً لِأَهْلِهِ اصْنَعُوا لِي طَعَامًا وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ النَّوْعَ مِنَ الطَّعَامِ فَصَنَعَهُ لَهُ أَهْلُهُ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ فأخذه وذهب به إلى أخ له مسلم ابتلاه الله جل وعلا فكان لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر فإذا أتاه هذا وأطعمه وأهدى إليه فمن الذي يعلم بحاجته من الذي يعلم بما أعطاه هذا الرجل لن يعلم ما فعله به الربيع بن الخثيم مثلا فأتى الربيع ابن الخثيم وأخذ هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو وذهب به إلى ذلك الرجل الذي هو من إخوانه المؤمنين في بلده وأخذه يطعمه شيئا فشيئا حتى غذاه وأشبعه فلما انصرف قيل له يا ربيع فعلت فعلا لا ندري وجهه قال ما فعلت قالوا أطعمت هذا وهو لا يعرفك ألم تكتفي أن أعطيته أهله فأطعموه قال ولكن الله جل وعلا يعلمه وكم من آثار للسلف في هذا الباب فقد رعى بعض السلف أولاد أخ له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولاد أخ له في الله 40 سنة حتى توفي قالوا فكأننا لم نفقد أبانا لكثرة ما حصل لهم من البذل في ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc qu'est-ce qu'il a expliqué ici, cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Rabi' ibn Khuzaym. Donc une fois Rabi' ibn Khuzaym, qui est un des salaf, il a dit à sa femme, prépare-moi la nourriture que j'aime. Parce qu'il y avait un plat spécifique qu'il aimait beaucoup. Il a dit à sa femme, prépare-moi ce plat que j'aime manger. Alors, sa femme lui a préparé de la meilleure façon. Et, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette nourriture et puis il a amené cette nourriture. Hein, c'est-à-dire, sa femme lui a préparé cette nourriture, lui il l'a pris, il l'a amené avec lui. Il l'a amené où il l'a amené? Il l'a amené chez un frère à lui en Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé par yani, quelques infirmités ou quelques problèmes. Et par exemple, cet homme, il était aveugle, sourd et muet. Donc il a amené la nourriture à cet homme qui était aveugle, sourd et muet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné cette nourriture lui-même. Il l'a nourri lui-même de sa main. En lui donnant et petit par petit, hein, chaque cuillerée. Donc, il l'a nourri jusqu'à ce qu'il soit repu, hein, qu'il a bien mangé, et puis il est retourné chez lui. Alors les gens ont dit, hein, probablement sa famille a dit, mais pourquoi, oh Rabbi, pourquoi t'as fait ça? Yani, on ne comprend pas pourquoi t'as fait ça. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, tu as nourri cet homme. Alors qu'il ne te connaît même pas, et pourquoi tu t'es pas limité à juste donner la nourriture à sa famille pour que eux lui donnent, hein? Pourquoi tu es allé toi-même le nourrir? Il te connaît pas et il sait même pas qu'est-ce que tu lui as fait, comme bien, hein? Il sait même pas que c'est toi. Il dit oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui, il sait. Allah subhanahu wa ta'ala lui, il sait. Et il dit, ensuite le cheikh il dit, et combien d'autres des narrations qui ont été rapportées de nos salafs dans ce domaine, hein, qui montrent comment certains d'entre les salafs, ils se sont occupés des enfants d'un de leurs frères en Allah pendant 40 ans après qu'il est mort. À un tel point que ces enfants-là ont dit quoi? Ils ont dit, c'est comme si on n'avait même pas perdu notre père, à tel point que il a dépensé de son argent pour nous. Hein? Subhanallah. Pendant 40 ans. C'est comme si leur père est mort, lui, il les a pris à sa charge. Il a dit, c'est moi qui va dépenser pour eux. Hein? Et qui s'est occupé d'eux. Sans rien demander en retour. Hein? Après le cheikh, il dit, wa cheikh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah ذكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه كان يسعى في حاجة أهله وذلك أنه وإن عاداه فثم حق للأخوة خاص وحق لعقد الإسلام إذ هؤلاء المساكين من لهم لهم الذي تخلص من شهوة نفسه من الانتصار لنفسه فبذل لهم وكان يعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادوه وسعوا به إلى آخر ذلك وهذا لا شك من امتثال الشرع وجعل الشرع فوق هوى النفس ومراداتها وهذا كله يحصل وربما وفق إليه الكثير. Donc ça c'est un point, un exemple de la vie de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh al-Islam, on sait qu'il avait de nombreux ennemis durant sa vie. Beaucoup de gens de Bid'a le détestaient et ils étaient contre lui. Et il est arrivé qu'un d'entre ses ennemis, parmi les jours qui étaient contre lui, est mort. Parmi ceux qui étaient contre lui et qui lui faisaient des problèmes toute sa vie. Alors quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait, Cheikh al-Islam? Il est allé voir la famille de cet homme qui était son ennemi et il s'est occupé d'eux et il les a aidés et il leur donnait de l'argent. Hein? Il s'occupait d'eux. Pourquoi? Il dit parce que ça c'est un droit en Islam. C'est un des droits qui fait partie du contrat de l'islam. Hein? Parce que si c'est un frère en islam, qui est un frère particulier, qui a une fraternité particulière avec toi, hein, tu vas le visiter et ainsi de suite. Mais si c'est un des droits, parmi les droits de l'islam, cette famille-là qui ont perdu leur père, ou la femme qui a perdu son mari, hein, même si c'était son ennemi, ils ont qui pour s'occuper d'eux? Personne. Hein? Donc lui, il s'est libéré de sa passion pour lui-même, de ses désirs. Il s'est libéré de vouloir se venger pour lui-même. Et il est retourné à la famille de cet homme. Et puis il s'est occupé de sa famille. Donc cet homme lui a fait du tort. Lui, il retourne vers sa famille, vers la famille de cet homme. Et il leur fait du bien. Hein? Même, il s'occupait même des enfants et de la famille de ses ennemis. Hein? Et il faisait des efforts pour les aider. Donc ça, il n'y a pas de doute que ça c'est une implémentation de la charia d'Allah. Et c'est le fait de mettre la révélation au-dessus de nos passions et de nos désirs personnels. Et, hein? Donc ça c'est quelque chose que si quelqu'un y prend en considération, probablement que, on voit que c'est quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner le succès à beaucoup de personnes dans l'application de ce genre de comportement-là. وهناك مرتبة من المراتب يحث عليها وهي أن كثيرين قد يبذلون وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة ولكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة وحقيقة العبودية التامة أن يكون المؤمن الذي بذل وأعطى شاكرا لله جل وعلا وأن شاكرا لله أن جعله سببا من أسباب الخير فإن الله جل وعلا يستعمل بعض عباده في الخيرات ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير ومغلاق للشر فالعبد إذا أعان أخاه هنا مغلاق للشر فالعبد إذا أعان أخاه وأعطاه وبذل له نفسه فلا يستحب له بل إنه ليس بمحمود في حقه ولا هو من مكارم الأخلاق أن ينتظر الثناء أو أن يدل ويمن بهذا الذي عمله فإن حقيقة الإخلاص المحبة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يعامله لأجل أمر الله جل وعلا بذلك فينتظر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il a mentionné un point ici qui est très important. Ça c'est quelque chose qui est très important pour nous si on veut pas perdre la valeur de nos œuvres et perdre la valeur de nos actions qu'on fait pour Allah. Il dit il y a un degré hein, parmi il y a plusieurs degrés donc mais un des degrés dans les dépenses qu'on fait de nous-mêmes et de notre personne quand on dépense de notre bien ou de notre personne ou de notre temps, c'est que il y a une certaine personne parfois il va faire du bien pour ses frères et il va avoir certains gestes qu'il va faire qui sont des bons gestes et des situations qui sont bonnes envers ses frères. Sauf que il y a un problème. Il voit qu'il a un mérite sur ses frères en les ayant aidés. Comme s'il leur a fait du bien, puis il se sent content d'avoir fait le bien, mais il croit qu'il a un mérite sur eux, que ces frères-là leur doivent une faveur par la suite. Mais la réalité de l'adoration totale d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être que le croyant, lorsqu'il a dépensé de sa personne et lorsqu'il a donné à Allah, il se sent pas justement qu'il a un mérite. Au contraire, il doit sentir que c'est lui qui a une faveur, qu'il a une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il doit remercier Allah du fait que Allah a fait qu'il soit une cause parmi les causes du bien. En voulant dire qu'au lieu que ce soit lui qui soit remercié pour le bien qu'il a fait pour son frère, c'est plutôt lui qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été une cause, d'avoir fait de lui une cause pour le bien. Ça c'est un degré parmi les degrés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est très important. C'est-à-dire que quand tu fais le bien, tu ne dois pas te sentir satisfait de toi-même au point où tu vas commencer à sentir que tu as un mérite et une grâce. Hein? Ah, j'ai fait ça, j'ai fait le bien. Hein? Et tu mentionnes cette grâce ou bien tu rappelles cette grâce à la personne. Non, remercie Allah que Allah a voulu que tu sois une cause pour aider cette personne-là. Hein? Donc quand tu fais le bien, tu dis, je remercie Allah d'avoir fait ce bien. Comme si c'est une faveur que Allah t'a fait de te permettre de faire ce bien-là. Hein? Tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a employé pour faire du bien à un de ses serviteurs. C'est comme s'il t'a utilisé toi pour être une cause de bien pour un de ses serviteurs. Et il dit il y en a parmi les serviteurs d'Allah qui est une clé pour le bien et qui ferme la porte du mal. Donc le serviteur, lorsqu'il aide son frère, lorsqu'il donne à son frère, lorsqu'il dépense de sa personne pour son frère, il n'est pas recommandé. Et c'est même quelque chose qui n'est pas du tout louable, hein, et qui ne fait pas du tout partie du bon comportement qu'il attende des éloges. Ou bien qu'il rappelle, ou qu'il indique, ou qu'il mentionne, ou qu'il mentionne à la personne à qui il a fait le bien qu'il a fait. Ou même qu'il mentionne ça tout court. Non, j'ai fait tel bien, j'ai fait telle chose. Tu te souviens, je t'ai aidé, tu te souviens, je t'ai fait ça, tu te souviens, je t'ai fait ça. Des fois, les gens, malheureusement, ils font ça. Hein? Et des fois, il y en a même qui attendent quelque chose en retour, comme, ou bien ils ne l'attendent pas directement, mais indirectement. Comme si, par exemple, quelqu'un, il t'a aidé à un moment donné. Il t'a fait un bien quelconque. Et, yani, ça a été quelque chose de bien pour toi. Puis, à un autre moment, lui, il a besoin de quelque chose. à son tour. Donc il vient te voir et il te demande de l'aider. Mais toi, à ce moment-là, tu n'as pas la capacité de le faire. Ou bien tu as la capacité, mais c'est difficile pour toi, ou des choses comme ça. Alors tu ne peux pas l'aider. Alors il se met en colère contre toi et puis il te dit, mais moi, quand tu avais besoin d'aide, je t'ai aidé, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Hein? C'est ça l'exemple, ça c'est pas correct. Si tu l'as aidé à ce moment-là, tu l'as aidé pour Allah, pas pour que quand toi tu allais avoir un besoin la prochaine fois, lui il allait t'aider. Si il t'aide lui aussi, ce sera pour Allah, la même chose. Ça veut dire que quand tu aides quelqu'un pour Allah, tu ne dois pas attendre de sa part aucune récompense, aucun remerciement ou rien en retour. Tu le fais pour Allah. Hein? Et donc, il dit ça, ça fait partie de la réalité de la sincérité. Et la réalité de la pureté de l'intention, de l'ikhlas, quand tu fais un acte. Hein? Et donc, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes cette personne uniquement pour Allah. Et tu agis avec elle selon le commandement d'Allah et parce que Allah t'a ordonné de le faire. Sans attendre la récompense ou une récompense ou quelque chose en retour. Excepté d'Allah. C'est-à-dire, tu vas attendre une récompense, mais une récompense seulement de Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas des créatures. Ça, c'est un point très important. Maintenant, on a terminé donc avec ce droit, parmi les droits de la fraternité. On va passer maintenant à un autre droit, parmi les droits de la fraternité, et ça, c'est un droit très important. Et vous allez voir, il y a des mentions là-dedans, il y a des questions qui sont très importante à ce sujet-là aussi. Cheikh il dit الثالث حفظ العرض, c'est-à-dire de préserver l'honneur de ton frère. Ça c'est très important aussi. وهو حق عظيم من الحقوق بل لا يكاد تفهم الأخوة الخاصة إلا أن يحافظ الأخ على أخيه عرضه والأخوة العامة وأخوة المسلم للمسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحفظ الأعراض وثبت في الحديث الصحيح حديث أبي بكر في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر الحديث فعرض المسلم على المسلم حرام بعامة فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الأخوة فكيف لا يحفظ عرضه وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه الذي ليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة فكيف بالذي بينه وبينه مودة وتعاون على البر والتقوى وسعى في طاعة الله وفي العبودية لله جل وعلا واكتساب الخيرات والبعد عن المآثم. Donc le cheikh il dit qu'un des grands droits parmi les droits de la fraternité, c'est de préserver l'honneur de nos frères. Et ça, c'est certain que dans la fraternité particulière, c'est-à-dire lorsqu'il y a entre deux personnes un lien de fraternité spécial et particulier d'amitié qui est au-dessus ou supérieur au lien de fraternité général qui existe entre les musulmans. Donc c'est un niveau plus élevé de fraternité, plus particulier. Alors ça c'est certain qu'on ne peut pas concevoir qu'on ne respecte pas l'honneur de notre frère dans ce cas-là. Hein? Alors si c'est le cas, il faut comprendre que l'islam elle nous ordonne de respecter l'honneur de notre frère musulman de façon générale, par le droit même de l'islam et par le contrat même de l'islam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de préserver l'honneur de son frère musulman, même si ce n'est pas son ami, même si ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît, hein, directement parmi les musulmans. C'est rapporté dans un hadith sahih, selon Abi Bakra, dans Al-Bukhari et Muslim, et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une khutbah, le jour de Arafah, yani, lorsqu'il a fait le hajj d'adieu, le dernier hajj, il a dit, vos saints et vos biens et vos honneurs sont sacrés pour vous. C'est-à-dire c'est haram, c'est sacré pour vous. Jusqu'à la fin du hadith. Donc, l'honneur du musulman, il est sacré. De façon générale, il est sacré pour un autre musulman. Alors, que dire lorsque c'est un musulman qui a une fraternité particulière avec un autre musulman et qui a un lien ou un attachement particulier avec un de ses frères, hein, comment il ne préserverait pas son honneur alors qu'il y a cet amour particulier, cette fraternité particulière qui n'existe pas entre lui et les autres d'entre les musulmans. Donc si le musulman est ordonné de préserver cet honneur envers le musulman qui est loin et qu'il ne connaît peut-être même pas ou qui n'a aucun lien, aucune relation avec lui et aucun amour particulier, alors que dire de celui qui est proche, hein, et de celui qui est un ami et un frère très proche. Naam, et que dire entre deux personnes yani, qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont très proches et qui s'entraident dans le bien et dans la piété et qui font des efforts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'aiment dans l'obéissance et dans l'adoration d'Allah et qui cherchent à obtenir le bien et à s'écarter des péchés. Il y a un autre hadith que j'aime beaucoup à ce sujet-là, yani, qui dit من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. Les Riyad Salihin, ça veut dire celui qui défend l'honneur de son frère, hein, c'est-à-dire en son absence, Allah subhanahu wa ta'ala va repousser de son visage le feu au jour de la résurrection. C'est-à-dire toi tu es là avec quelqu'un et quelqu'un est en train d'attaquer l'honneur de ton frère. Lui, il n'est pas présent. Toi, tu défends son honneur en son absence. Eh bien, Inch'Allah, Allah va défendre ton honneur au jour de la résurrection. Et si c'est le cas envers nos frères musulmans de façon générale, que dire du cas où quelqu'un a un lien de fraternité plus particulier avec quelqu'un, et que dire de la défense de l'honneur de nos ulama, hein, et des gens qui ils travaillent pour propager la sunna et travailler pour l'islam, hein, des choses de ce genre. Ça c'est encore plus important, surtout quand on attaque leur honneur et quand des gens de bid'a les critiquent, hein, ou bien parlent contre eux ou ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il explique maintenant quelques exemples plus spécifiques d'exemples de comment on doit préserver l'honneur de nos frères, avec des exemples plus spécifiques et plus concrets et différents cas. Il a mentionné, pour être plus précis, il a mentionné 4 exemples. Si je ne me trompe pas, il a mentionné 4 exemples de comment on doit préserver l'honneur de nos frères. مظاهر حفظ العرض لحفظ العرض مظاهر. Donc parmi les manifestations de la préservation de l'honneur de nos frères, il dit que le fait qu'on préserve l'honneur de nos frères, il y a des manifestations à ça. اولا ان تسكت عن ذكر العيوب لان المصادقه او الاخوه الخاصه تقتضي أن تطلع منه على أشياء قد يخجل ذكرها. وما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت وما سمعت، وإلا فليحترز كل واحد ممن يخالطه ولا يكون هناك إخوان إخوان صدق ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره وفي غيبته مما حدا ببعض الناس لما رأى الزمن زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ عرضه ويكون وفيا معه أن ألف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لأنه وجب الكلب إذا أحسن إليه من رباه يكون وافيا له حتى يبذل له دمه فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لأن كثيرين يخونون ولا يحفظون الأعراض ويذكرون العيوب التي ترى أو التي ترى ولو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه أنه سيخبر عنه لعده عدوا ولم يعده حبيبا موافيا ولهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه سواء بمحضره أو بمحضر الناس سواء بمحضر الناس في حضرته أو في غيبته من باب أولى. Ça, c'est un point très important. Parmi les manifestations de la, du fait qu'on préserve l'honneur de notre frère, c'est qu'on on ne mentionne pas ses défauts. On ne mentionne pas ses défauts. Lorsqu'on sait qu'il y a une amitié particulière entre toi et une autre personne, ça implique quoi? Ça implique que tu vas pouvoir, disons, connaître ou tu vas être au courant et tu vas pouvoir observer des choses que tu pourrais être gêné de mentionner. Parce qu'il y a une amitié particulière entre toi et lui. Donc, ça veut dire que vous allez être souvent ensemble et que la personne, hein, elle va venir chez toi, tu vas aller chez elle et tu vas peut-être voir des choses de cette personne qui sont gênantes, hein, ou des choses comme ça. Donc, que signifie cette fraternité particulière si on ne peut pas se sentir en confiance et faire confiance par rapport à ce qu'on a vu ou par rapport à qu'est-ce que la personne a vu ou qu'est-ce qu'elle a entendu? Donc, si on ne peut pas avoir confiance à un ami ou à un frère proche par rapport à ce genre de choses, alors dans ce cas-là, chaque personne commence à se méfier de l'autre. Et on commence à agir comme si on se méfie de notre ami. Alors, le cheikh, il dit, ça, c'est pas une amitié sincère. Si on commence à se méfier de celui avec qui on se tient et la personne avec qui on est et qu'on fréquente et qu'on commence à se méfier d'elle, ça, c'est pas une amitié sincère. Parce que, يعني الشيخ يقول parce que il dit ولا يكون هناك إخوان صدق si on peut pas si on doit se méfier il y a pas de sincérité dans cette fraternité là ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره وفي غيبته c'est-à-dire il y aura pas des frères qui vont préserver l'honneur de leurs frères en leur présence ou en leur absence hein? Et ça a amené certaines personnes à écrire des poèmes, il a écrit des livres, hein, comme par exemple, il y en a un qui a vu que à l'époque où il vivait, il y avait peu d'amis de ce genre. Il y avait peu d'amis de confiance, hein, qui préservent son honneur. Alors il a écrit un livre et il a intitulé son livre La préférence des chiens, ou préférer les chiens à plusieurs d'entre ceux qui portent des vêtements. Pourquoi? Parce que il a vu que un chien, lorsqu'il est bien dressé et bien hein, entraîné, il va être honnête. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il va être fiable. Hein? Et il va même donner sa vie et son sang pour toi. Donc c'est pour cette raison-là qu'il a écrit ce livre-là, pour dire que la préférence des chiens, hein, c'est-à-dire le fait de préférer les chiens à plusieurs d'entre ceux qui portent des vêtements, tafdil ou kilab, c'est-à-dire de préférer les chiens, ala kathir min man labis athiyab, préférer les chiens à plusieurs d'entre ceux qui portent des vêtements. C'est un livre, oui. Bon, le cheikh, il a mentionné ça juste comme exemple, pour faire comprendre, hein, parce que même le kuffar, des fois, ils disent ça, hein, le meilleur ami de l'homme. Il y en a qui disent, ils ont plus confiance à leurs chiens qu'aux êtres humains. Bon, ça, c'est extrême, mais bon, c'est pour faire comprendre que un vrai ami, il doit préserver ton honneur. Et il doit être sincère envers son ami. Hein. Sinon, c'est pas de l'amitié. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit pourquoi il a écrit ce livre-là? Parce que beaucoup de gens, ils trahissent leurs amis. Ils ne préservent pas leur honneur. Et ils mentionnent leurs défauts qu'ils ont vus. Hein? Et si cette personne-là avait su que son ami allait mentionner ses défauts à son ennemi, eh bien, il ne l'aurait pas calculé parmi ses amis. Il n'aurait pas fait confiance. Hein? Et c'est pour cette raison-là que parmi les droits de ton ami sur toi, c'est qu'il préserve ton honneur en ne mentionnant pas, hein, tes défauts, que ce soit en ta présence ou en ton absence. Et encore plus en ton absence. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Islam. Thaniyan, deuxième point. Mais encore là, tu vois, si c'est ton ami proche, un ami plus intime, disons, comme parmi les frères que tu fréquentes régulièrement, tu n'as pas besoin d'aller parler à quelqu'un d'autre pour ce genre de problème-là, puisque il est un ami avec qui tu dois être ouvert. En général, tu es capable de lui dire tout ce qui n'est pas correct dans sa personne pour l'aider à se corriger. Parce que c'est ça la fraternité en Allah. C'est ça le fait de s'aimer en Allah, c'est que on s'encourage dans le bien, on s'encourage dans ce que Allah aime. Et quand il y a un défaut chez ton frère, tu lui dis tout de suite. Tu comprends? Tu ne vas pas avoir besoin d'aller le dire à quelqu'un pour que cette personne-là lui parle. D'utiliser cette méthode-là, ça peut être utile pour quelqu'un qui veut donner une nasiha à quelqu'un qu'il connaît pas bien ou bien qui est pas si proche d'elle. Puis tu vas voir quelqu'un qui est plus proche, qui la connaît, pour être capable de voir avec elle comment la conseiller, pour être capable de lui donner la nasiha. Mais si c'est quelqu'un que tu es proche avec elle, que tu es capable de lui parler directement, hein, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire ça d'habitude. Tu peux aller juste directement à la personne. Et en même temps aussi, si tu veux discuter d'un problème que tu veux conseiller ton frère, tu n'es pas obligé de mentionner ses défauts nécessairement. Tu vois? Tu peux juste trouver un moyen aussi de dire, bon, j'aimerais par exemple donner une nasiha à telle personne et je voudrais savoir ton point de vue, ou bien comment tu penses que ce serait la meilleure façon de le faire, sans nécessairement avoir à mentionner ces défauts-là. Mais laissez-moi compléter les autres exemples, puis peut-être que dans les exemples que le cheikh il mentionne, il y aura une réponse à certains points de cette question-là. Deuxième point parmi les manifestations de, justement, le fait de préserver l'honneur de nos frères, il dit le cheikh, ثانياً أن لا تدقق معه السؤال وأن لا تبحث معه مسائل لم يبدها لك فكأن تراه في مكان فتقول ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ إلى آخره من التدخل فيما لا يعني. لأنه إذا أحب أخبرك وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه وثبت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإذا رأيته في حال أو رأيته متوجها لشيء فلا تسأله عن حاله ولا تسأله عن الوجهة التي هو ذاهب إليها لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوالا. Ok, donc juste par rapport à qu'est-ce que le frère a mentionné, je voudrais justement clarifier un point important par rapport à cette explication de ces points-là par rapport à la fraternité dans cette conférence. C'est que le cheikh ici, il donne des points qui sont des choses, questions générales. Et c'est certain qu'il y a des choses plus particulières, plus spécifiques parfois, qu'il y a des exceptions ou bien il y a des cas qui peuvent sortir de ces règles générales-là. Il ne faut pas prendre des règles générales, puis les prendre comme étant absolues, puis oublier que parfois dans certaines situations, on doit, faire certaines choses, par exemple, qui sont plus spécifiques parmi des règles de l'islam à ce sujet-là, puis je vais, Inch'Allah, donner un exemple de ça dans un point que le cheikh va mentionner plus loin. Pourquoi? Parce que c'est souvent ça ce que font des gens de Bid'a ou des Hizbiyin. Ils prennent des choses générales et des points qui sont générales, et puis ils en font une règle absolue, comme s'il ne pouvait pas y avoir des cas d'exception ou de spécifique dans ces situations-là. Donc ça c'est quelque chose qui parfois amène à semer des ambiguïtés dans l'esprit des gens. Donc on donne des exemples généraux. C'est sûr que parfois il y aura des exceptions dans ces règles-là, mais c'est la base. Disons ça c'est la base, d'accord? Les règles générales. Exactement, exactement. Donc là ici le cheikh il dit, par exemple, tu dois pas rentrer dans les détails des questions que tu donnes à ton frère, rentrer dans sa vie privée, rentrer dans ses affaires. Tu ne dois pas faire ça avec ton ami en islam. Essaye pas de chercher des questions que si lui il te l'a pas dit de lui-même, hein, tu l'aurais pas su. Donc si tu vois par exemple ton frère dans tel ou tel endroit, tu lui dis mais pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais ici, ou des choses comme ça. Hein? Ou pourquoi tu es allé telle place, hein? Si yani, tu rentres dans ces choses-là, tu rentres dans qu'est-ce qui ne te concerne pas. Donc, s'il voulait te le dire, s'il aurait aimé te le dire, il te l'aurait dit. Donc, s'il ne te l'a pas dit, il a voulu le cacher, c'est parce qu'il y a un bienfait là-dedans. Alors, rentre pas dans qu'est-ce qui ne te concerne pas. Des fois, il y a des frères, malheureusement, ils sont un petit peu curieux dans des affaires qui ne les concernent pas dans la vie privée des gens. Et donc, ils vont commencer à poser la question. Tu travailles dans telle chose? C'est quoi ton salaire? Combien tu gagnes d'argent? Des questions vraiment personnelles qui sont privées. Si la personne voulait te dire ça, elle te l'aurait dit. Mais si la personne ne te l'a pas dit, cherche pas dans ces choses-là. Hein? Tu habites dans un appartement, combien tu payes par mois? C'est quoi des choses comme ça? Hein? Donc ça, c'est des exemples. Mais comme je disais tout à l'heure, ça, c'est des choses que le cheikh il dit ici, c'est des exemples généraux. Mais il peut y avoir des situations ou des cas spécifiques dans lesquels on aura le droit de poser ce genre de questions dans le but de clarifier certaines choses. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui marche avec des gens de bid'a. Tu lui dis, mon frère, pourquoi tu vas à telle place? Pourquoi tu vas chez ces gens-là? Là, tu ne vas pas dire, ah, mais ça, ce n'est pas tes affaires, mais toi, tes affaires. Le but, c'est de donner la nasiha ici, là, parce que tu vois qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais si tu vois quelqu'un qui est dans un endroit, quelque chose qu'il fait qui est halal, quelque chose qu'il fait qui est permis, mais que tu n'as pas l'habitude de le voir à tel ou tel endroit, puis là, tu commences à vouloir lui poser des questions. Peut-être que lui, il a quelque chose de personnel, il ne veut pas en parler. il a un problème personnel, il ne veut pas que les gens sachent cette chose-là. Soit tu rentres dans sa vie privée. Non, ce n'est pas correct. Cherche pas à savoir ces choses-là, si ça ne te concerne pas. Hein? Et donc c'est ça. Le cheikh, il dit, parmi les bons comportements qui font partie du bon comportement d'un musulman et qui font partie du bon islam de quelqu'un, c'est qu'il ne rentre pas dans ce qui ne le concerne pas, c'est-à-dire il laisse ce qui ne le concerne pas. Le prophète Sansam a dit ça dans un hadith qui est authentique, rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', et il est dans Al-Arba'un Al-Nawawiyya, ce hadith-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce hadith, il est dans les 40 hadiths. Et ça dit donc que parmi les choses qui font que quelqu'un aura un bon islam, c'est qu'il il laisse ce qui ne le concerne pas, ce qui ne lui concerne pas. Donc si tu vois de l'état de quelqu'un, que quelqu'un se dirige vers telle chose, ou qu'il fait telle chose, hein, s'en va à tel endroit, ou des choses comme ça, eh bien tu lui demandes pas pourquoi il est là, où est-ce qu'il va, qu'est-ce que tu fais. Hein. S'il veut te le dire, il va te le dire. Imagine, tu rencontres quelqu'un sur la rue, il marche vers quelque part. Et tu lui dis, tu vas où? Tu fais quoi? Non, au contraire, si la personne, elle veut que tu saches, tu n'auras même pas besoin de lui demander. C'est elle-même qui va te le dire. Elle va dire, je m'en vais à telle place, je m'en vais faire telle chose, j'ai telle chose à faire. Hein? Il y a des gens, par contre, il y a des gens, c'est le contraire. Ils disent trop de choses de leur vie personnelle aux gens. Sans raison. Et il donne tous les détails. Des fois, il y a des gens comme ça. Hein? Il dit, je vais faire telle chose pour telle raison. Et ils ouvrent la porte, des fois, à ce que les gens rentrent dans leur vie personnelle. Peut-être même... Oui, des fois... des fois, ils vont même rentrer dans trop de détails, même dans leurs choses intimes, avec leur famille ou des choses comme ça. Là, ça, c'est pas correct. Il faut être quand même assez un peu réservé dans ces choses. Il faut être réservé dans notre vie privée puis dans ces choses-là. Parce que, il faut garder certaines limites. OK? Ça, c'est important. Donc, on a le droit de garder certaines choses secrètes. Puis de garder ces choses-là pour nous. Hein? Donc il dit donc parce que les liens de la fraternité, elles n'impliquent pas que tu dois dire tout. Le cheikh il dit donc les liens de la fraternité, ça n'implique pas que ton frère doit tout te dire de ce qu'il fait. Ok? Parce que les gens, ils ont des secrets et ils ont des états et des situations, et donc ça, c'est normal. Ça, c'est des choses, des fois, on ne comprend pas ou on néglige. Le troisième exemple des manifestations de ce qui amène à préserver l'honneur de notre frère, « أن تحفظ أسراره وأسراره هو ما بث إليك وبث إليك نظرا له وبث إليك رأيا له. » يعني بث إليك رأيا رآه في مسألة تكلمتم في فلان فقال لك رأيا له في فلان لأنك من خاصته ولأنك من أصحابه وهو ربما يخطئ وربما يصيب فإذا كنت أخا صادقا له فهو إنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تشيعه لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون بين الأحباب سرا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات وحفظ الأعراض لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه فإن الناس سيقعون فيه بل أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوة خاصة فيستكتمه حديثا فيقول هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا فإذا بالمستكمن الحديث يخبر ثالثا ويقول هذا خاص بيني وبينك لا تخبر أحدا ثم يشيع الخبر في المجتمع والأول غافل عنه. Donc le cheikh il mentionne un point ici qui est important et il y a un rapport avec avec qu'est-ce qui se passe parfois même parmi nous et parmi des musulmans en général ici et ailleurs. Le troisième exemple, c'est que tu dois préserver les secrets de ton frère. Tu dois garder les secrets de ton frère. Et tu ne dois pas les diffuser. C'est quoi les secrets? C'est les choses qu'il te confie. Les choses qu'il te confie, comme par exemple, il te confie une pensée qu'il a. Il te confie une opinion qu'il a dans une question spécifique. Ou vous avez parlé de telle personne. Hein? Et il t'a donné une opinion sur telle personne. Parce que tu fais partie de ses amis proches. Des gens qui sont, qui ont, disons, un lien plus intime avec toi. Tu fais partie de tes amis plus particuliers. Et que tu fais partie de ses compagnons. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a raison dans cette opinion-là. Et lui, il t'a dit cette opinion-là sur cette personne parce que tu fais partie de ses amis proches, de ses compagnons. Et si tu es un ami sincère, quand il te dit cette chose, il te confie cette opinion ou cette parole, toi, tu dois le préserver et tu ne dois pas le diffuser et le faire connaître à tout le monde. Parce que parmi les choses qui sont impliquées par la fraternité qui est particulière et par l'amitié spécifique entre les amis qui s'aiment, c'est qu'ils se préservent dans leurs secrets. Comme c'est rapporté dans un hadith, selon Abu Daoud, dans son Sunan, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme mentionne une parole à un autre homme, et qu'il s'en va, qu'il le laisse par la suite, c'est-à-dire il parle avec la personne puis il le laisse, alors c'est une amana, c'est-à-dire c'est un dépôt qu'il lui a confié, et il doit être honnête et respecter ce dépôt-là. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ahmad, et Cheikh Al-Albani, il l'a déclaré Hassan dans Sahih Al-Jami'a, le hadith 486. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de préserver les dépôts qu'on nous confie, et de préserver les honneurs des gens. Donc, si quelqu'un t'a donné une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un et que toi tu t'en vas le dire, eh bien tu sais que les gens vont critiquer cette personne et ils vont parler de lui, ils vont l'attaquer parce que tu as divulgué une opinion qu'il t'avait confiée, qui était un secret. Et même que pire que ça, c'est que tu vois qu'entre deux frères entre lesquels il y a ce lien de fraternité particulier, amitié particulière, et puis quelqu'un lui dit une parole et lui demande de le garder, de ne pas le dire. Alors il dit: cette parole je te la dis à toi, c'est entre toi et moi, ne le dis à personne. Et la personne à qui on lui a confié cette parole, il le dit à une troisième. Il dit: écoute, je vais te dire quelque chose, c'est entre toi et moi, ne le dis pas à personne. L'autre, il m'a dit ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le troisième, il va le dire à un quatrième. Et le quatrième va le dire à un cinquième. Dis-le pas à personne. C'est entre toi et moi. Et là, l'autre, il dit à un autre, dis-le pas à personne, c'est entre toi et moi. Et l'autre, il dit à un autre, jusqu'à ce que la nouvelle et l'information est diffusée partout. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ces choses-là se produisent. Et ça, c'est quelque chose qui est en contradiction avec le fait de se confier le dépôt. Hein? Après, à la fin, comme le cheikh il dit, après, cette chose-là, elle a été diffusée partout dans la société, puis le premier, il ne sait même pas. Hein? Donc ça c'est grave, mais c'est quelque chose qui se passe. Hein? Combien de fois on l'a entendu, combien de fois on l'a vu? Chez les koufars, on n'en parle même pas. Mais même chez les musulmans, on voit ça, et même parfois chez les amis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, hein, comme on dit, quand quelqu'un te donne un secret, là, il faut que tu sois comme une tombe avec ce secret-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça sorte. Hein, il faut respecter le dépôt. Il dit, كما قال الشاعر, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, كما قال الشاعر, كل سر جاوز الاثنين فإنه بنفس وتكسير الحديث قمين. Donc, c'est un proverbe ou une parole que les gens ramènent, que du moment qu'un secret dépasse deux personnes, c'est comme si ça devient une parole qui est diffusée maintenant, c'est plus un secret. Il dit, فهذا واقع لأن المرء إذا اصطفى آخر فأخبره بسر فلا بد من الكتمان خاصة إذا استأمنه عليه فإذا لم يستأمنه عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة فكيف إذا استكمنه إياه ولم يأذن له بذكره سبحان الله. Donc le cheikh il dit, ça c'est la réalité. Lorsque quelqu'un a choisi une autre personne et qu'il lui a mentionné un secret, il faut absolument qu'il le préserve et qu'il le garde. Et en particulier, si cette personne-là lui a demandé de le préserver et de garder ce secret. S'il ne lui a pas demandé de le garder, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de façon générale, que si quelqu'un te dit une parole, puis qu'il s'en va, c'est une amana. Ça, c'est quand il ne t'a pas demandé de le garder. Alors que dire lorsque quelqu'un te demande de le garder et de ne pas le dire, hein, et de ne pas le mentionner, yani, alors si tu le mentionnes sans sa permission, alors là c'est encore plus grave. رابعا من مظاهر حفظ العرض أن يحجم المرء عن ذكر المساوي التي رآها في أخيه أو في أهله أو في قرابته أو فيما سمع منه. مثلا واحد يتصل بأخيه فيسمع وهذا ساكن مثلا مع أهله أو منفرد فيسمع في بيته ما لا يرضي فيذهب ويخبر ويقول سمعت في بيت فلان كذا وكذا وكذا أو يراه في حال ليست بمحمودة فيذهب يخبر بمساويه فليس هذا من حفظ العرض بل هذا من انتهاك العرض والواجب عليك أن تحفظ عرض أخيك لأن العرض أنت مأمور بحفظه والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومسألة النصيحة تأتي إن شاء الله بحق خاص فيما يكون بين الإخوان من التناصح. Donc quatrièmement, le cheikh il dit que parmi les manifestations du fait de préserver l'honneur de notre frère, il faut que tu préserves et que tu empêches de, c'est-à-dire que tu ne laisses pas sortir la mention des défauts et des choses mauvaises que tu as vues chez ton frère ou chez sa famille ou ses proches. Hein? Ça, c'est important. Par exemple, par rapport à qu'est-ce que tu as entendu de ton frère, de chez ton frère, par exemple. Tu appelles ton frère, et puis en l'appelant, par exemple, tu sais que cette personne-là, elle habite avec sa famille, ou il habite seul, ou quoi. Puis tu entends chez lui, dans sa maison, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas agréées, hein, qu'on n'aime pas, ou des choses qui sont haram. Puis tu t'en vas, tu dis ça aux gens. J'ai appelé telle personne et j'ai entendu au téléphone, quand j'étais en train de parler avec lui au téléphone, j'ai entendu telle chose haram. Donc il dit, hein, j'ai entendu telle ou telle chose. Non. Ou bien tu l'as vu, cet ami-là, tu l'as vu, mais il était dans un état qui n'était pas louable. Et toi, tu t'en vas, puis tu vas mentionner aux gens les défauts de qu'est-ce que tu as vu de cette personne. Ça, ça ne fait pas partie de préserver l'honneur. Au contraire, ça fait partie de détruire, de salir l'honneur de ton frère ou de ta sœur. Donc, l'obligation pour toi, c'est de préserver l'honneur de ton frère. Parce que l'honneur, on est ordonné de la préserver. Et le musulman, il est sacré pour son frère musulman, dans son sang, dans ses biens et dans son honneur. Et la question de la nasiha, on va venir là-dessus. Il dit que ça, c'est un droit particulier qui doit être entre les frères, c'est-à-dire de se donner le bon conseil entre nous. Ça, on va en parler plus tard. Le cheikh, il dit, وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى كَلِمَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذَا قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَثَمَّ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأخبار دليل ذلك قوله جل وعلا يا نبي يذهبوا يا بني قوله جل وعلا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله من التحسس وهو طلب الخبر أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا التجسس بالعين تنظر إليه وتتبعه حتى تعرف خبره لا تفعل ذلك بل احمد الله جل وعلا أن لم ترى من أخيك إلا خيرا وكذلك التحسس ما أخبار فلان إيش قال فلان وهو من إخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خلة بينك وبينهم وفاء وصحبة فلا تحسس في أخباره ولا تتجسس عليه فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة فكيف بمن له معهم عقد وعقد أخوة خاصة. Donc le cheikh il explique maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, لا تحسسوا ولا تجسسوا, c'est-à-dire ne cherchez pas les informations sur les gens et n'espionnez pas les gens et ne vous coupez pas les uns les autres dans vos liens, et ne vous détournez pas les uns des autres, hein, lorsque vous parlez, et soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Hein, soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Ça, dans ce hadith, on retrouve deux paroles qui comprennent ou qui englobent qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport au fait de préserver l'honneur de notre frère, et de ne pas mentionner les choses qu'on a découvertes, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on a vu ou qu'est-ce qu'on a entendu de notre frère qui ne sont pas correctes. Et c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « La tahassassu wa la tajassassu ». Le cheikh dit qu'il y a une différence entre « at-tahassus » et « at-tajassus ». Un c'est avec « ha » et l'autre c'est avec « jim ».« Tahassus » et l'autre « tajassus ». Et la différence entre les deux, « at-tahassus », comme certains savants ont dit ça, puis il y a une divergence entre eux là-dessus, mais ils disent en général que « at-tahassus » At-tajassus, c'est avec l'œil, d'espionner avec l'œil. Et at-tahassus, c'est de chercher des informations. D'accord? Un, c'est avec l'œil, et l'autre, c'est par l'information. Qu'est-ce qu'on se dit? Donc, la preuve de ça, c'est, par exemple, le verset 87 dans Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô mes fils, il dit, ô mes fils, partez. Et cherchez des informations de Youssef et de son frère. Et ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et en l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tahassus dans ce verset, fat-tahassassu, c'est de chercher l'information. En ce qui concerne at-tajassus, ça c'est ce qui a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 12 dans Surat al-Hujurat. Wa la tajassassu, c'est-à-dire n'espionnez pas. Et ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Et at-tajassus bil-ayn. Donc at-tajassus bil-ayn, c'est avec l'œil, l'espionnage avec l'œil, de regarder, de chercher à voir pour savoir des choses. Il dit ne le fais pas. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas chercher à voir des choses déplaisantes ou mauvaises de ton frère. Et au contraire, même tu dois même glorifier Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'aies pas vu rien de mauvais de ton frère, que tu n'aies vu de ton frère que le bien. Et at-tahassus, c'est que tu demandes les informations à propos de quelqu'un. Hein? C'est qui un tel? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça, c'est, ça se fait pas. Si c'est un de tes frères parmi les frères qui sont tes frères sincères, tes compagnons sincères, et qu'il y a cette amitié-là qui vous réunit, il ne doit pas y avoir ce genre de comportement-là entre toi et entre lui. Et au contraire, vous devez être fiables et honnêtes les uns envers les autres et avoir cette bonne relation, d'être des bons compagnons entre vous et de ne pas chercher à découvrir des informations sur tes frères ou espionner tes frères. Malheureusement, il y en a des gens comme ça, hein, qui espionnent les autres, qui font des, hein, qui cherchent les défauts de leurs frères, les fautes de leurs frères. Et là, bien entendu, encore une fois, il y a des gens de bid'a qui peuvent essayer d'utiliser ça pour jouer avec, pour dire, hein, pour dire ça par rapport à au fait, par exemple, lorsqu'on critique des gens de bid'a ou lorsqu'on met en garde pour des gens de bid'a, il y en a qui vont dire ah, pourquoi ils font ça, pourquoi ils espionnent, pourquoi ils cherchent nos erreurs et tout. Non, c'est pas qu'on cherche nos erreurs, les erreurs, mais quand il y a des erreurs, il faut mettre en garde contre les erreurs. Hein? Et ça, c'est un autre che avec l'œil. At-tajassus, c'est avec l'œil. Ou at-tahassus, c'est avec l'information, de chercher l'information. Et encore là aussi, bon, il y a des cas où, comme par exemple dans le cas où le chef de l'État, par exemple dans un pays musulman, il va désigner certaines personnes pour enquêter et pour rechercher les criminels, pour rechercher les gens qui planifient de faire des choses de corruption ou de désordre dans la société. Ça, c'est, ça fait pas partie de l'espionnage qui est interdite. Ça fait partie de l'espionnage qui est permis dans l'islam, même ordonné. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce genre de choses-là. Il a utilisé des compagnons pour aller espionner ses ennemis ou pour espionner des gens dans, parce que c'est lui le responsable de l'État, c'est lui le chef de l'État. Mais c'est pas n'importe qui fait ça. C'est le dirigeant musulman qui a son service de renseignement et ses agents qui travaillent pour récolter les informations de ceux qui peuvent être une menace pour la sécurité de la société ou des choses de ce genre. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des cas d'exception dans certains de ces exemples-là. Et ça, c'est un exemple d'exception dans ce cas-là. Ensuite, il dit « Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Donc, mais entre des frères et des amis, ou entre des musulmans, hein, de façon générale, ça ne doit pas exister, ce genre d'espionnage, de voir, de chercher les fautes ou les erreurs, hein, et les péchés de nos frères, non. Et si c'est le cas pour les musulmans en général, alors que dire dans le cas où il y a un lien de fraternité plus particulier entre deux personnes et d'amitié? Donc ça, c'est encore plus grave dans ce cas-là. Donc on vient de compléter donc le troisième droit, qui est de préserver l'honneur de notre frère. On a mentionné les différentes manifestations de ça. D'accord? Donc ça, c'est maintenant complété à ce sujet-là. Donc on va, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête pour quelques minutes. On va prendre 5 ou 10 minutes de pause, puis on recommence, Inch'Allah, pour faire la suite tout de suite après, Inch'Allah, jusqu'à la prière de Asr. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.